Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce jour-là pour se distraire un peu ? Tenez, il y a par exemple ce vieux Osaï. Je vous parie que celui-là, on lui fera croire tout ce qu'on voudra. Si on l'envoyait chercher quelque chose qui ne se trouve nulle part, on le regarderait aller et venir et se démener, ce serait tordant. Il y aurait de quoi le blaguer pendant un mois. Qu'est-ce que vous en dites ? Il y eut un murmure d'assentiment général. Les distractions étaient si rares à l'écluse d'Arvais que l'on y recueillait avec joie toute occasion de s'amuser, si piètre fut-elle. Et plus elle renfermait de vulgarité, plus on l'appréciait, car il ne fallait pas demander à ces rudes mineurs de goûter des choses délicates et raffinées. « Qu'est-ce que tu veux qu'on l'envoie chercher ?» interrogèrent ceux qui faisaient cercle autour de Jim. Pendant un instant, celui-ci se prit à réfléchir. Tout à coup, une inspiration lui traversa la cervelle, et partant d'un gros éclat de rire, il se mit à se frotter les mains. « Eh bien, parle, parle !» insistèrent les autres, avides de savoir. « Écoutez-moi bien, les enfants. On pourrait se servir de Mademoiselle Sinclair. Vous me disiez qu'Abbey en était fou. D'autre part, vous estimez qu'elle ne doit pas en pincer beaucoup pour lui. Alors supposez que nous écrivions un mot à Osaï, un mot qu'on lui enverrait ce soir. Et après ? Demanda McCoy. Eh bien, on lui ferait croire que ce mot-là a été écrit par elle. Comprenez-vous ? On le signerait du nom de Mademoiselle Sinclair. On y dirait, par exemple, qu'elle lui donne rendez-vous pour minuit dans son jardin. Il y courra, soyez-en sûr, persuadé qu'elle veut se faire enlever par lui. Vous pouvez m'en croire, on se tordra, mes enfants. Ce sera la plus fameuse blague de toute l'année. Tous s'esclaffèrent à qui mieux mieux. L'idée de ce brave Osaï rêvassant dans le jardin de sa belle et du vieux Joshua sortant de la villa, revolver au poing, pour le reconduire poliment à la barrière, leur paraissait irrésistiblement comique. Le projet fut donc aussitôt adopté. Voilà un crayon et du papier, dit le farceur qui venait de faire cette géniale trouvaille. Qui est-ce qui se charge d'écrire la lettre ? Pourquoi ne l'écris-tu pas toi-même, Jim ? S'écria Shamus. Soit, mais que faut-il que je mette ? Mets ce que tu croiras le mieux. Je ne sais pas trop comment elle pourrait tourner ça, murmura Jim en se grattant la tête d'un air perplexe. Mais ça n'a pas grande importance. Osaï ne s'apercevra pas de la différence. Si je mettais comme ça, mon vieux, viens-t'en me retrouver dans le jardin ce soir. Sans ça, je ne t'adresserai jamais plus la parole. « Oh non, non, ça ne peut pas marcher comme cela, » protesta le jeune mineur. « Rappelle-toi que c'est une jeune fille qui a de l'éducation. Elle s'exprimait certainement d'une façon plus choisie. »« En ce cas, mon garçon, charge-toi de l'affaire, » répliqua Jim en lui tendant le crayon. « Voici ce qu'il faudrait écrire à mon avis, » reprit le mineur en humectant la pointe du crayon avec sa langue. « Lorsque la lune montera dans le ciel, » et que les étoiles brilleront d'un vif éclat, viens, oh viens, Adolphus, à minuit, dans le jardin embaumé. « Mais il s'appelle pas Adolphus, » objecta quelqu'un. « Possible, mais c'est bien plus poétique, vois-tu. En poésie, on n'appelle jamais les choses par leur vrai nom. D'ailleurs, sois tranquille, il devinera bien pourquoi elle a fait cela. Il ne reste plus qu'à signer Carrie. Et voilà. » On se passa gravement l'épître de main en main, et tout le monde, après avoir lu et relu avec déférence, s'accorda à reconnaître que c'était une merveille de style. Lorsque le papier eut fait le tour complet de la société, on le plia avec soin et on le remit à un petit garçon que l'on chargea de le porter à Bedderton, en lui recommandant de s'esquiver tout de suite avant que ce dernier ait pu lui poser quelques questions embarrassantes. Ce ne fut que longtemps après que le messager eut disparu dans l'obscurité qu'il s'en trouva pour manifester quelque repentir. « Ce n'est peut-être pas bien délicat vis-à-vis de la jeune fille, ce qu'on a fait là, » dit Shamus. « Et c'est peut-être bien un peu méchant pour Osaï, » ajouta un autre. Néanmoins, la majorité négligea de s'arrêter à ses objections, et la nouvelle tournée de whisky qui fut versée à la ronde acheva d'étouffer les derniers scrupules qui pouvaient subsister dans l'esprit des moins vulgaires. À dire vrai, on avait même presque totalement oublié cette histoire à l'heure où Abbé reçut le billet, et le cœur, palpitant d'émotion, se mit en devoir de le déchiffrer à la lueur de son bout de bougie. Cette nuit-là demeura longtemps mémorable à l'écluse d'Arvais. Un vent capricieux et changeant soufflait des lointaines montagnes, attristant de ses gémissements et de ses plaintes les exploitations abandonnées. Des nuages sombres passaient avec rapidité devant la lune, tantôt voilant d'une ombre opaque le paysage, tantôt s'entr'ouvrant pour laisser passer les rayons de l'astre. L'obscurité était complète lorsque Abb Ederton sortit de sa cabine. Son associé, le patron Morgan, n'était pas encore entré de son voyage d'exploration à travers la brousse, en sorte que aucun être vivant ne pouvait épier ses mouvements. Sans doute, son âme simple et naïve s'était bien un peu étonnée que les doigts délicats de son angélique beauté eussent formé ces grands hiéroglyphes, mal assemblés. Mais, baste, il y avait son nom au bas de la page, et pour lui, c'était plus qu'assez. Elle avait besoin de lui. Pourquoi ? Il n'en savait rien. Mais elle avait besoin de lui. Le reste importait peu. Et voilà comment ce fruste mineur, avec un cœur aussi pur et aussi héroïque que celui des chevaliers errants d'autrefois, répondit à l'appel de sa dulcinée.